Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 22 au 28 octobre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante, Alexandra Carignan sera avec moi un petit peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui et cette semaine dans les Palmarès, on a 6 nouvelles entrées en tout. Hein, je dirais 2 du côté francophone, Gros Méné et Les Trois Accords. Et en anglo, on a Passion Pit, Smoking Jackal, Diamond Rings et The Wallflowers. Ça devrait être particulièrement bon, je pense, les nouvelles entrées. La semaine passée, en numéro 1 francophone, c'était Peter et Les Chemins Étoilés. Alors qu'en anglo, c'était The Juggler par la formation The Loodies. On va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission. On aura aussi la présence de Justine Renaud et ses tartines de Justine. En tout cas, ça devrait arriver d'ici la fin de l'émission. Et puis, on va avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Donc, c'est le plan de l'émission. Aujourd'hui, on va débuter en 20e place de chaque côté. En anglophone, c'est Hospital for Sinners par The Wallflowers sur leur nouvel album Glad All Over. Mais tout de suite, voici Trois Accords et leur nouveau CD J'aime ta grand-mère. Ho ho ho. C'est la pièce Bamboula. Sur C'est fou. Bonne émission. Je fais du feu et je danse et je tourne autour en vrille. Je tourne autour en vrille. Au fond du ravin, je fais du feu et je tourne autour en vrille. Tape dans mes mains, j'entends l'état de transe dans la lumière qui scintille, la lumière qui scintille. Tape dans mes mains, j'entends transe dans la lumière qui scintille. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un m'appuie en huvante et puis je dessine un carré, je dessine un carré. Dès que je reviens une huvante, je dessine un carré. Dès le lendemain, une chaudière de cendre et je peins des points et des gris, et des points et des gris. Dès le lendemain, une chaudière et je peinture et des gris. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain comme un besoin de ne plus rien remettre à demain. Bamboula, nous serons là. Bamboula, bamboula, bamboula, nous serons là. Numéro 20, nouvelle entrée. for sinners. Ain't no museum of saints. There could be a casket, bums on the steps, a baby in a basket being left. It's a good place to shuffle when you've gone through the deck. It's the closest to heaven on earth you can get. With a shelter, a poor man, a humble a grave. To a derelicts and outlaws can hide for a day. The worst haunts you've known can be salvaged and saved. The same realm that lovers vows are exchanged. It's a hospital for sinners and no museum of saints. Sinners, and no museum of saints. Nurse to the moon. Numéro 19. Nouvelle entrée. C'était Diamond Rings et I'm Just Me, position numéro 19, nouvelle entrée en anglophone sur l'album Free Dimensional, album qu'on a écouté en partie ce matin à l'émission Assemblage Rocky, bien sûr, mais dans la chronique du poste d'écoute. Et puis, on a bien aimé ça, même si on trouve que ça ressemble un petit peu à pas grand-chose, finalement. Je trouve que c'est comme... c'est bon, là, mais c'est ça ressemble à bien des affaires, tu sais. C'est rendu pop pas mal, je trouve, Diamond Rings, comparé à avant, il me semble. Alexandra Carignan qui vient d'arriver. Ben oui, bonjour. Salut. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'était ça qui vient de jouer, hein? Je trouve que ça ressemble à tout puis rien en même temps. Tu vois? On a tous le même avis. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Il n'y a pas d'originalité. Oui, exactement. Mais c'est très bon pareil. Oui, ça n'enlève rien à personne, ça. Juste avant d'entendre Gros Méné et Venus sur l'album Agnus Dei. Et en 20e place anglophone, The Wallflowers avec la nouvelle entrée Hospital for Sinners. Et au tout début, les trois accords et leur nouvel album J'aime ta grand-mère. Et la pièce s'appelle Bamboula. J'ai bien hâte de réentendre tout ça pour essayer de se les mettre dans la tête. Là. Les trois accords, j'aime ça, mais c'est pas trop moi, à la fois. Moi, je me suis fait dire que le dernier album était excellent. Et que même certaines chansons faisaient penser à du Interpol. Oh ouais! Mais que les paroles... trois accords! Ouais! Le début de la chanson avait l'air d'impression d'une tune d'Interpol, mais finalement, là, tout clash, là. Tout ça pour dire que ce sont des génies musicaux. OK, OK. Gros Méné, je connais moins. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Ben, Gros Méné, en fait, c'est Fred Fortin. C'est aussi... c'est Fred Fortin. Il y a d'autres. Ben, c'est comme un regroupement de plusieurs artistes ensemble. Mm-hmm. Mais c'est très bon aussi. Ouais. Je sais qu'on va en parler à l'examen final, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Effectivement. Donc, il nous reste deux nouvelles entrées à entendre. On va rester du côté anglophone pour l'instant. Plus tard, il y aura Passion Pit avec Constant Conversation. Vous savez, Passion Pit, j'adore ça. Par contre, je connais moins celle qu'on va entendre à l'instant en 18e place. C'est la formation Smoke and Jackal. Voici Fall Around. On va m'arrêter, c'est fou. 89 FM. Trois-Rivières. City downtown. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mike. How are you? I'm all right, boss. Yeah? I miss d'entendre Passion Fit avec Constant Conversation au numéro 17. C'était une nouvelle entrée dans le palmarès anglophone cette semaine. Avant, toujours du côté anglophone en 18e, c'était Smokin' Jackal avec Fall Around. C'est sur leur maxi qui s'appelle EP Number 1 et Smokin' Jackal. Et puis, c'est le nouveau projet de Jared Followhill de Kings of Leon et Nick Brown de Mona. Je ne connais pas Mona, mais peut-être mais dans... Je connais Kings of Leon. Oui, puis Mona, c'était dans, dans Madame est servie. Non, je sais pas. La mère de l'autre. Dans Madame est servie, c'était elle, la boss. Ben, il y a aussi dans Mona comme dans Mona Lisa. Oui, en effet. C'est la première chose qui me vient en tête, là. Je sais pas pour toi. Ouais, peut-être aussi. Il y a Ramona dans Scott Pilgrim. Oui, c'est vrai. C'est Ramona Falls. Non, Ramona Falls, c'est un groupe de musique. Oh, wow, ok, attends. C'est Ramona Flowers, c'est-tu? Oui, c'est ça, Flowers. Ouais. Et on fait des liens, ça n'a pas tabarouette. Aucun rapport. Scott Pilgrim, dont Brian Ruth, celui qui joue dans Scott Pilgrim, qui sera à la réunion stellaire. Là, en fait, mais qui jouait dans Brian dans Scott Pilgrim? C'était le vegan. Oui, tout à fait. Dans le couple de végétaliens, c'est ça. Exactement. Donc, il sera en fin de semaine à la réunion stellaire à Trois-Rivières. Et en fait, il y a plusieurs vedettes qui sont déjà à Trois-Rivières en ce moment même et qui couchent dans un hôtel. Et, oh my God. Mais pourquoi on n'est pas là avec nos appareils photo? Je sais pas. Donc, réunion stellaire en fin de semaine 26, 27 et 28 octobre au Salon de jeu de Trois-Rivières. Vous allez pouvoir rencontrer, attention, il y en a plein de vedettes là-dedans. Oui. Il y a quelques scolaires là-dedans. Je sais que, bon, Brandon Routh, dans quoi est-ce qu'il jouait celui-là? Bon, il a joué dans le film de Superman. Ouais. Donc, celui qui est sorti il y a 3 ou 4 ans. Il a joué aussi dans Chuck. Mm-hmm. Il a joué un espion, mais aussi dans Scott Pilgrim vs. The World. C'est lui qui faisait les vegans. Merveilleux, ça. Hein, vas-y. Oui, mais sinon, il y a Michael Sharks qui, lui, a joué dans Stargate. Ça, c'est ta série, je pense, Stargate. Oui, moi, j'adore ça. Il jouait Daniel dans Stargate. Okay. Et il a joué aussi dans Smallville, comme je vois l'image, mais j'ai pas écouté ça jusque-là. Non, c'est ça, pas jusqu'à ce moment-là de la série. Richard Hatch de Battlestar Galactica. Oui, ça, je sais pas. Je connais pas. Jewel State, on l'adore, de Shia LaBeouf. Ben oui, de Shia LaBeouf, c'est elle qui est la fille. Flash Forward, elle joue aussi dans Firefly, qui est une série de Josh Whedon qui a fait Buffy contre les vampires. Exactement, même créateur. Jewel State, moi, je l'adore depuis longtemps, donc bravo pour le choix. Michael Logan, lui, il jouait dans Teen Wolf, qui est une télésérie populaire sur MTV. C'était le père de la fille dont le... Personnage des héros, c'est ça? Ouais. Héroïne. Et... On ne sait pas, elle, c'est qui. Toujours de Stargate, mais cette fois-ci Stargate Atlantis. C'est Andy Fritzell qui joue la Wraith Queen dans Stargate Atlantis. Donc, il y a plein de vedettes de gros noms à cette réunion stellaire. Eh oui. Qui est en fin de semaine à Trois-Rivières. Ça a l'air vraiment le fun. C'est présenté par Zone 51. Allez vous procurer vos billets en passant par la boutique Zone 51 du Boulevard des Forges. Moi, si j'étais vous, j'irais. Sauf si vous travaillez, là, c'est une bonne... Mais... C'est oui. Vraiment une bonne raison. Mais... C'est une bonne raison parce que c'est ma raison pourquoi je veux pas. Ah, c'est plate. C'est triste. Donc voilà, allons-y avec... on va retourner du francophone, juste un petit peu du côté francophone pour aller entendre... non, en fait, je fais les choses dans le désordre, je vais clarifier la chose. On sort par-dessus la 18e place qui est Dumas avec l'heure et l'endroit. C'est là depuis 7 semaines. On va aller en 17e place. En 17e place, écoutez Ariane Moffat avec Hôtel Amour. Love, love, love. Love Motel. Oui. Ou Palmarès, c'est fou. Ça, c'est une émission de Lover. À Trois-Rivières. Oui. Trois-Rivières, c'est for Lovers. Trois-Rivières, forever. Nouveau slogan, hein? Oui. Pas fait. C'est très mauvais, comme je dis. Ah, l'hôtel amour. Le silence partage. Il fait la cour. Je pars. L'hôtel amour. Ah, Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Nothing I can do. Foxy Shazam et la pièce La Chance at Love qui descend d'une place en 16e position anglophone. Et juste avant, c'était Danny Placard avec Angélique en 16e position francophone qui fait une hausse de 3 puisqu'il était au numéro 19 la semaine dernière. Danny Placard avec son accent, je me demande si en anglais ça fait quelque chose de... Je sais pas, ça pourrait donner un beau petit mélange, Danny Placard en anglais, non? Ça doit être particulier. Danny Wardrobe. Danny, non, c'est pas vrai. On va sauter par-dessus les 15e places, malheureusement. C'est triste à entendre, mais quand même. Du côté anglo, on va sauter par-dessus Wheel Driving West, une pièce qui est là depuis 7 semaines, c'est Painkillers. Et du côté franco, on va sauter par-dessus Kate Kuna avec Tic Tac, qui est là depuis 6 semaines déjà. Ben oui, mais ça, c'est de même. Hein. Les Tic Tac, c'est difficile à transporter dans ta poche parce que ça fait tac. Ben oui, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est pour ça qu'on la saute. C'est pour ça qu'on la saute. 14e position du côté anglophone, il y aura The Gaslight Anthem et une nouvelle entrée de la semaine passée, Henry. Mais tout d'abord, ce sera Trio avec un greenwashing au numéro 14, franco. On veut du greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. Et cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. Phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du greenwashing. On veut du greenwashing. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut du On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. On veut des baleines et du thon. On veut du greenwashing. C'est pour les as. On veut du greenwashing. Numéro 14. Favorite song. That's my it travels from heart to limb to pen. Fais des mimes d'un 3 avec un 0 de l'autre bord, mais il faut jamais mettre du bon bord, sinon tu vois. C'est parce que si tu fais ton bord, ça fait pas ça. Marche pas de main. Alors, on vient d'entendre du côté anglophone, c'était Gaslight Anthem et Handwritten qui montent de la 17e place, donc de 3 places. Et du côté francophone, on a entendu Greenwashing de Trio, qui était au numéro 14 et qui a fait une montée puisqu'elle était au numéro 15 la semaine dernière. Green, green, green, greenwashing. T'as oublié un green. Oups, il y en a combien? Green, green, green, green, green, green, washing. Il y a 6. Pas pire, hein? Ouais. Pas pire. On va y aller avec les prochaines positions, c'est-à-dire les 13e pour terminer cette première heure. Tout à l'heure, on entendra nos amis de Toy avec Colors Running Out. Ça monte de 5. C'est nouveau la semaine passée. On écoute pas mal de pièces qui étaient nouvelles la semaine passée, mais on avait eu un gros vent de fraîcheur la semaine dernière. Comme diraient les jeunes, là, un vent de frais. C'était frais. Un vent de frais. Ouais, c'est ça. Les jeunes disent ça. Ils disent tout ça. Ah, oh, les jeunes. Mich. Mich. C'est ça qu'on fait quand on est vieux. On fait des. C'est ça. Tu sais, quand tu te lèves, là. On disait quand c'est difficile, là. Ouais. C'est ça. On disait? Ouais, c'est ça. On disait qu'on parlait de la musique avant de parler de notre âge. En effet. Ouais. Et on s'en va entendre Galaxy. Ben oui, Galaxy avec Jusqu'à la fin. Numéro 13, francophone. C'est ce qu'on fait avec l'album en général. Il est sorti de mood du bout de temps, ça, cet album-là. On s'entend que c'est pas récent. Jusqu'à la fin. Et ton palmarès, c'est fou. Un plaisir. Bon, jusqu'à la dernière. Dernière croûte. Une tranche de pain. Y'en a vraiment trop honte de... pour ce qui se passe en dehors. Mon cœur part, mais mon corps reste. Et ma tête s'évapore. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Le futur nous mène et en même temps nos souvenirs s'éloignent. Même si on se perd trop souvent, nos histoires nous accompagnent. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Numéro 13. et Colors Running Out, c'était le vol la semaine passée. Là, ça monte de 5 en 13e place anglo. Et juste avant, on a écouté Galaxy avec Jusqu'à la fin, qui était en 13e position aussi, mais du côté francophone cette fois-ci, et qui a fait une petite hausse puisqu'il était au numéro 8 la semaine dernière. Mm-hmm. On fera une petite pause minuscule, pause entre 2 et 3 minutes, je dirais 2 minutes 36, j'avais vraiment à l'estimer une durée exacte. Puis on vient après avec Madame Moustache, Isa Leblanc, White Horse et Patrick Watson. Ça te va, ça? Ça me va très bien. Ça a l'air comme d'une idée en radio, aller en pause, à revenir. C'est fort, hein? C'est fort. On essaye ça, c'est une nouvelle idée. J'essaye ça. Trop long. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est les palmarès, c'est fou, avec Alexandra Carignan et Mathieu Plante. On est capable, nous autres, de se faire des voix de même. Hein? Ouais. Mais je suis jaloux d'Alexandre Larizouki, il est tellement bon. Oui, il y a des belles voix. Il y a plusieurs belles voix. Il y a plusieurs. Elle est plusieurs. Donc, deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 22 au 28 octobre 2012. On l'a dit, Alexandra Carignan, c'est cette belle voix-là qu'on entend. Et oui, c'est Mathieu Plante, l'autre belle voix qu'on entend. Ben, je trouve toutes les voix belles sont de la mienne. Elle est belle. T'es fin. Donc, deuxième heure qui commence avec les positions numéro 12. Du côté anglo, ce sera White Horse et Devil's Got a Gun qui montent de 4. Mais tout d'abord, on va aller écouter Madame Moustache avec Maison Mobile au numéro 12 qui baisse un peu puisqu'elle est au numéro 9 la semaine dernière. Ouh! Mais c'est pas grave, on l'aime pareil. Ouais. Tu l'as pareil. C'est pas celle-là, je pense. C'est pas celle-là. Malheureusement, c'est celle-là, je pense. Ça passe sur le truck! Et voilà! Bon, le pick-up! Non? Pick-up! Non. C'est une piscine pour ses gamins. Je m'étonnais de cette banlieue et de ce paysage. Mes yeux n'en pouvaient plus que l'horizon, le seul moyen de guérison. J'ai regardé loin vers en avant, là où l'espace a tout son temps. Car c'est fini les compromis, place à l'exil, je suis parti. Faire du bruit sans dire un mot. À moi, à moi, l'Eldorado. J'ai mis ma maison dans mon sac. Je suis en piste, je vise en vol. Je m'arrêterai si je croise un petit chac. Oh, bye, oh, bye, oh. Oh, bye, oh, bye, oh. Avant de mourir sur du béton, j'arque les amarres. Je coupe les ponts du vent, monte le cri. Partir, partir, je suis en vie. Car moi je sais que j'ai ce qu'il faut. Je pars s'enfuir toujours plus haut. La tête haute, le vent dans le dos. On va faire mon Eldorado.

façon il était rendu trop maigre. On vient d'entendre Anna Georges avec Robotic. Mm-hmm. Alors ça, c'était Lisa Leblanc et Kraft Dinner en position 11, qui monte de 3. On a aussi entendu en position 12, White Horse avec Devil's Got a Gun, qui montait de 4. Et juste avant, on a écouté Lisa Leblanc, non, je l'ai dit, hein? C'est Madame Moustache. C'était Madame Moustache. Moi. Madame Moustache, hey! Avec Maison Mobile au numéro 12. Moustache, Moustache! Moustache, Moustache! Château Ilajou! Okay, bon. Tabarouette. N'importe quoi. Tout à l'heure, les 10e places. Amélie, t'es préf? Eh oui, c'est ma préf. On va savoir Patrick Watson. Mais avant ça,

pas pire, là, comment le Cocktober puis Rewind, là, comment? Rewind, ouais. C'est que de jeux de mots délectables de semaine en semaine. Délicieux, hein, c'est. Délicieux. T'as entendu des handicapés horizontaux? Ben non. C'est les Américains. OK, bon, je vais arrêter de rire de mes propres blagues ici, sinon ça a l'air un petit bizarre. Là. Ouais, c'est un peu bizarre. Écoutez, Sondage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Louis Marchand et moi-même. Chose là, l'autre, là, Mathieu Planche. Chose. C'est ça, la chose. On est rendu au position numéro 10. C'est vrai, oui. Du côté anglophone, on va entendre tantôt Patrick Watson avec Words in the Fire. Mais tout d'abord, on va aller écouter le côté francophone, le numéro 10, qui est Amélie avec La Fête. Party people! Oh oui. Such creature was down in the fire. We were down a sandy beach. Old man talking to young man's words. Tell me where you would like to be. Tonight, don't be afraid to dream. C'était Patrick Watson avec Words is the Fire. Words in the Fire. J'ai de la misère avec le titre. Qui était au numéro 11, qui avait une constance aussi, puisqu'il était au numéro 11 la semaine dernière dans le palmarès anglophone. Mm-hmm. Alors que du côté franco, ça a monté de 6 places La Fête par Amélie sur l'album Le Royaume. 9e place maintenant, Les Choses Avancent. Les Choses Avancent. Les Choses Avancent. Je pense qu'on n'aura pas de visite aujourd'hui, je suis pas sûr. Je pense qu'on n'aura pas de visite. On va garder ça intimiste aujourd'hui. Ouais, juste toi et moi. Oui. Position numéro 9, du côté anglo, ce sera Block Party et c'est Octopus qui monte de la 20e place, cette nouvelle entrée la semaine passée. Mais tout d'abord, on va aller entendre Bernard Adamus avec Arrange toi avec ça au numéro 9. Parle-moi pas de même, toi là. C'est pas moi qui te parle de même, c'est Bernard. Ah, Bernie. Bernie. C'est correct, c'est Bernie. Tout au palmarès, c'est fou. Fais avec ce que tu as. ça me donne envie d'écouter tous les albums de Black Party au complet. Toute la gang. All the kit. Moi, je me retiens. Black Party avec Octopus qui monte à la 9e place. C'était la 20e position. On avait entrée la semaine passée. Et juste avant, c'était Bernard Adamus avec Arrange-toi avec ça au numéro 9. Et ça, ça me donne le goût d'écouter les albums de Bernard Adamus. Donc là, on connaît les goûts d'Alexandra du côté de Bernie et mes goûts du côté de Black Party. Blocky and Bernie. C'est un bon cartoon pour enfants, ça, je pense. Ouais. Blocky and Bernie. Bon. Ouais, ça a de l'avenir. On regarde. Ça peut être de l'avenir. Mes idées ont toutes de l'avenir. Hein. On va mettre un copyright là-dessus. Oui. On y va. C'est notre fond plat. C'est fun. Non, c'est notre fond lover. Lover, fond. On est rendu position 8e du côté anglophone. The Ludies avec The Juggler. C'est lancé numéro 1, donc chute de cette place. C'est imprenable, ça. C'est comme si le gars était en train de jongler. Il avait tout échappé ses quilles à terre. Mais avant, on va l'écouter du côté francophone. La descente du coude avec Instinct domestique. Au 89 FM, c'est les Palmarès, c'est fou. Oh oui. On l'a dédié à toutes les femmes. Dans la place. Dans la place. Il n'y en a pas même là, vu que c'est des constructions. En plus, c'est instinct domestique. Oh! Parce que les femmes, y ont ça. Alors, retourne en cuisine. Ah oui, oui, oui. Va me faire un sandwich. Numéro 8. Above my mind. C'était The Loonies et The Juggler, l'ancien numéro 1, maintenant en 8e place anglophone, Sniff Sniff. Et juste avant, on a entendu La Descente du Coude avec Instinct Domestique. Mm-hmm, on n'a pas encore entendu le numéro 1 francophone la semaine passée, donc peut-être qu'il y a des chances que... Peut-être que c'est pas... Peut-être pas aussi. Moi, en tout cas, je gagerais pas là-dessus. Non? Oh, t'as l'air d'avoir des sources inside, là, comme une journaliste. J'ai pas des sources, j'ai un instinct. Qui n'est pas domestique cette fois-ci. Non. Mais... Il y a d'autres sortes d'instincts. Il y a d'autres sortes d'instincts. Le Killer Instinct, le jeu vidéo. Killer Instinct, c'est un jeu de combat. D'ailleurs, en parlant d'instinct, est-ce que tu savais, selon une étude, que j'ai lu ça, ça m'a fait bien rire. Ouais. Tu sais, il y a l'espèce de mythe qui dit que la femme est capable de faire plusieurs tâches en même temps et que l'homme, non. Vrai multitâche, quoi. Eh bien, il y a une étude qui a été faite, je pense c'est au Danemark, et qui dit que c'est faux. Hein? Et qu'en fait, la femme serait plus prompte à faire plusieurs tâches en même temps lorsqu'elle n'est pas dans sa semaine. OK. Uh-huh. Donc, mais quand elle est menstruée, non. Ça marche plus, là. Ça ne marche plus. Elle est comme un homme. Tandis que l'homme, lui, n'est pas nécessairement meilleur à un moment, mais est tout le temps constant. C'est ça, l'importance d'être constant. Ce qui fait une moyenne, en fait, que l'homme serait plus apte à faire plusieurs tâches que la femme qui, elle, dans sa semaine de menstruation, est complètement pas capable de faire. En même temps, un point pour nous, mais tous les autres points pour vous autres. T'sais. C'est non? Ça. Parce que vous êtes meilleur dans tout. Je pense que ça, c'est su, c'est connu, c'est... Non? Ben, non, mais il y a sûrement des places que vous êtes meilleurs. Comme? On a combien de temps pour ça? Les mains sur le buzzer? Non, mais vous êtes shapé. Shapé. Vous êtes plus beau et shapé qu'une femme. Regarde pas dans ce coin-ci. C'est pas le cas. On est rendu pour position numéro 7 du côté anglophone. Ce sera Metric K, Breathing Underwater. Une autre chose que les femmes et les hommes sont tous les deux pas capables de faire d'habitude. Respirer sous l'eau. À moins que tu prennes le truc qu'Harry Potter prend dans la coupe de feu. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Non, je me rappelle pas. Je les ai toutes vues, puis je m'en rappelle pas. Cette passe-là, ça a l'air bon, en tout cas. Ça a l'air vrai. Parce que c'est bien bon. Mais quand même, on va quand même aller écouter le côté francophone tout d'abord, qui est Atomic Baobab avec le Viewmaster au numéro 7. C'est quoi un baobab, tu penses? Je sais pas. C'est comme un sac en fait avec un arbre. C'est un arbre, non? Un baobab? Ouais, c'est un sac en baobab, c'est un baobab. Encore une fois, ça a l'air vrai, donc je te contredirai pas. J'étais au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Encore une fois, pas la bonne. Toujours la même chose, toujours la même histoire. Que se répète. Ça passe, ça paraît pas, par exemple. Il y a pas du tout un arrêt comme en plein milieu de la chanson comme ça, genre. Ça fait non. Pas ça dans la chanson, là. Pas du tout. Ça paraît pas. Non. À vous. Ça paraît pas. Là, ça paraît, je pense pas. Y'a pas rien là qu'on n'avait pas vu avant. 7. Et Breathing Underwater, ça monte de la 19e place jusqu'à la 7e. Ça veut dire quoi, ça? 8 places? Hein? On n'est pas bon en mathématiques. Je pense qu'on l'a déjà dit au public. C'est un running gag, je pense. Une blague à la course, qu'on appelle. Ouais. Et ça, c'était nouveau la semaine passée. Et juste avant, on a entendu Atomic Baobab, qui est un groupe trifluvien. On le répète à chaque fois, mais c'est important de le dire, oui, parce que c'est une fierté. Qui nous ont présenté le Viewmaster, qui était en 7e position. Une hausse, puisqu'ils étaient en 11e position la semaine dernière. Et là, je peux vous dire que c'est une hausse de 3. Incrédible. Je viens de me rattraper du côté mathématique. T'as bien fait ça, par contre, ça a pas paru du tout. Donc, c'est la fin de la deuxième heure. On se quitte quelques minutes. Au retour, on aura la musique, entre autres, de Fanny Bloom. Il y aura aussi The Darkness, Hot Panda, Chinatown. Qui d'autre? Peter, je pense bien, ouais. Puis, c'est ça, plein d'affaires. Plein d'affaires, ouais. Vraiment bonnes. On laisse le suspense rouler. Oh là là. Let the good times roll! C'est pas mal, c'est fou, c'est là. Vous êtes est assez fou. Pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Troisième heure des Panoramas C'est fou pour la semaine du 22 au 28 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandre Carrière. Et chose, là, chose, Bill, Justine Renaud. Présente chose. Les narines de Justine. Les narines de Justine, tu me niaises-tu? J'ai sorti ça tantôt en niaisant, je trouve ça bien drôle, tu sais. Sont belles, mes narines, avouées. Sont très adorables, tes narines. Chose. Sont adorables. Oh! Oh, yeah, oh, yeah, bravo. Super. L'élève dépasse le maître. Superbe. C'est parfait. C'est un très bel accueil, merci. Donc, tantôt, tu vas nous présenter tes tartines. Et, oui, les tartines. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur tes tartines? Sur mes tartines, il va y avoir du R&B. Hey, yeah! C'est pas du PB with J. D'habitude, c'est PB and J, mais là, il va y avoir du R&B. OK, puis peanut butter and jelly. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. C'est ça, je suis pas capable de le dire bien plus que ça. Moi, je connais pas la vraie version. Je connais juste la version de Family Guy avec oui. Stewie. Peanut butter jelly. Ouais, c'est ça. Je fais des gestes en studio. Là. Oui, c'est ça a l'air vrai. Moi, tu me perds un peu. Là. Ben, j'ai l'air d'une banane, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on dit tout le temps. Hein? Où sommes-nous donc, dans le palmarès? Hein? Moi, je suis curieuse, je viens juste d'arriver. Ben, moi, je pense qu'on est rendu pas mal au position numéro 6. Oui, hein? Exactement. Donc, on va entendre du côté anglophone The Darkness et Everybody Have a Good Time. Ben, juste avant, on va aller entendre Fanny Bloom avec 1000 petits fruits. Je sais pas comment c'est son nom. 1000 pertuis. 1000 pertuis. 1000 petits fruits. C'est comme de la confiture remplie de pectine, ben, ça oui. Là. 1000 pertuis au numéro 6 francophone. Faut pas m'arrêter fou. Comptez-les bien. Il y en a 1000 dans la chanson. Attrapez-les tous, comme un Pokémon. Anticipation, too much to bear. Maybe I'm crazy, but this song. On vient d'entendre The Darkness avec Everybody Have a Good Time. Au numéro 6, anglophone, ils ont fait une belle remontée puisqu'ils étaient au numéro 12 la semaine dernière. Mm-hmm. Du côté franco, on a entendu Fallait Blue, mais Mille Pertuis, qui est stable et puis qui est là depuis 3 semaines, à peu près, environ. Environ. Environ. Ah, t'avais changé de place, hein, c'est ça, depuis tantôt, t'as comme changé... Ouais, mais là, mettons, t'as changé de place comme là, ici, là? Oui, parce que moi, je suis à la téléportation, tu le savais pas? Zoom, zoom, zoom! Zoom, zoom, zoom! Vroom, vroom, vroom! Arrête zoom, avec zoom, tes zoom. Annonces de Mazda. Là. Ouais, excuse-moi. Mais oui, je m'en allais juste dire que Fanny Bloom a gagné meilleur album indie, c'est ça, alternatif indie, alors, je sais ça, pas c'est quoi, l'autre, de l'autre gala de la disque. L'autre gala de la disque. Celui à Musique Plus avec les Denis Duralet. En tout cas, elle a gagné. Ouais. Elle a gagné. Cool, elle est comme, elle est à disquer, si on veut. Elle est à disquer, ouais, c'est ça. Et ouais. À des kistes. Non. Wow. Une minute, là, j'ai eu comme eu mal au cœur. C'est un Félix, t'avais raison tantôt. C'est un Félix qu'on gagne. Et Félixée. Elle est Félixée. C'est une Félixienne. Donc, félicitations, c'est ça. Une adéquate. Est adéquate. Bref, on l'aime. Félicitations, comment? Félicitations. Laisse donc. pas besoin d'ambitionner sur le rire non plus, ça a l'air comme encore pire. Non, non, c'est pas ça, j'ai trouvé écœurant, je l'ai juste pas entendu la première fois. Okay. J'ai des problèmes d'ouïe, mais je suis capable de me téléporter. C'est subtil, ouais, chacun ses pouvoirs, hein. Ouais. Comme les X-Men, c'est ça? Les X-Men. Il y en a sûrement un film porn comme ça, des X-Men. C'est clair, c'est sûr. Faut essayer de voir ça. C'est évident. On se demandait quoi regarder au cinéma, là. X-Men. Ben oui, mais c'est comme Triple X avec Vin Diesel. Oui! Hein? Ouais. On s'entend-tu? Cherche sur Internet, on s'entend quand tu tombes pas sur Vin Diesel en premier. Tu sais, là, les petits jeunes des années 2000 qui voulaient comme se trouver ça piraté, là. Dans le bon vieux temps des années 2000. Ils ont dû trouver quelque chose de pas très sain. Hey, tu m'as appris tantôt, il y avait des gens qui étaient nés après 90. Ben oui, ça, comme Nick Jonas. Nick Jonas est né après 90, en tout cas. Ma soeur est née après 90. Incroyable. Bien, cacarilla. Arrête de dire... Hey, depuis que j'ai dit cette blague-là, depuis ce temps-là, elle me leur proche à chaque fois. Sa soeur, elle s'appelle Bianca Carignan. Bianca Carignan. Mais là, caca. Je me sens mal de l'avoir dit. Sans joke, là, ça y a pris. Elle m'a dit que c'est pas avant le cégep qu'elle s'en est rendue compte. Ah, ben, au parce moins. Parce que hein. Quelqu'un y a dit. Oh mon un Dieu. Un épée comme moi, là, qui va détruire sa vie au c'est complet. C'est toi. C'est moi. C'est toi, c'est ça, c'est toi. C'est elle moi? A vécu dans le déni longtemps. Oui, elle a vrai. Mais maintenant, elle a entamé des procédures pour se soigner. Ça va-tu mieux? Ça va un peu mieux. Mais justement, elle est en psycho pour ça. Au moins, t'as pas un frère qui s'appelle Lucas. As-tu passé sa phase anale? Lucas Carignan. Hé, hey, anale. Ça, je veux pas savoir, en fait. Les grands mots, là. Hein? Ben, elle parlait d'une analogie, c'est ça? Oh, ouais. C'était sa phase analogique. Ah, c'est beau. C'est beau. Ouais. J'adore ça. Ouais. Anna Loubi. Ah ben, on a déjà joué les Loudies. Hey, les Loudies. On a déjà joué. On s'en porte, là. On est rendu au numéro 5 avant de passer aux tartines, je pense, hein, c'est ça? Ah oui, on va passer aux tartines après. On va bien gros les beurrer. Ouais, ouais. Ça va être comme dans le poêle, hein. Ça va être glissant. Comme du beurre dans le poêle. C'est ça. Du côté anglophone, ce sera Hot Panda et Language qui montent de 3 places. Mais du côté francophone, c'est le numéro 1 de la semaine dernière, donc on en a un nouveau. Donc Peter avec Les Chemins étoilés. Au palmarès, c'est fou. Sur les 89 FM. À Trois-Rivières. Où ça? À Trois-Rivières. C'est où ça, Trois-Rivières? C'est l'arrêt pipi entre Montréal et Québec. Ah! Un autre nom qui finirait si c'était pipi là, à la place de quelqu'un, ça serait... Y en a-tu? Marie-Pi Picard. Souriant, mes amis, nous 5. Et Language, la position numéro 5 du côté anglophone, ça monte de 3 places. Et juste avant, on a entendu Peter avec Les Chemins étoilés qui est en position numéro 5 francophone. Et d'ailleurs, Peter qui était le numéro 1 de la semaine passée, ce qui signifie que nous avons un nouveau numéro 1 cette semaine. Ah, ben oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Avant de passer aux tartines, Justine est toujours là, Justine Renaud. Oui, je suis toujours là. T'as entendu pendant que tu préparais ton affaire pour écouter de la musique? On parlait de musique, nous autres. Carly Rae Jepsen. Oui, Jeff. Elle, là, elle connaissait ça avant. Je connaissais ça avant. Avant que ce soit populaire. Ah, ouais. Puis Justin Bieber, là. Je connaissais ça avant que ce soit populaire. Parce que c'est. Tu dois être fier. Justin Bieber qui a découvert Carly Rae Jepsen. Ben oui. Tu connaissais ça avant. Puis Justin Bieber, tu connaissais avant que Ellen DeGeneres. Ben oui, moi, je connaissais ça, là. Dès que Usher a fait sa première tune avec lui, là, moi, je la connaissais. Fait que t'es comme un hipster de la musique commerciale, là. Moi, j'étais un hipster de la musique commerciale. Faut trouver un mot pour ça, là. Hipster de la musique commerciale. Moi, je connaissais tous les groupes qui sont « wow » aujourd'hui. Moi, je connaissais popster. Ça avant. Un comment? Popster. Un popster. Oh! Moi, j'étais un popster. Popster. Moi, Taylor Swift, là, je connaissais ça avant. Là, ça devienne comme la grosse shit là, de... Oui. En effet, c'est... Je connaissais ça avant. C'est sûr, ça joue à la station, le shitlist. C'est la radio de shit, là. Je connaissais ça. Ça joue là? Moi, Jonas Brothers, là, avant que ça devienne une grosse pop star de Disney, je connaissais ça. Avant qu'ils muent, là, tu sais. Leur premier album, là, j'étais dit, là, Nick, là, il avait pas mué. On a vraiment l'impression que c'est une fille qui chante. Comme les Hanson Sisters, là. Oh, moi, j'avais ça, moi. Quand t'as une toune, que c'est juste des onomatopées, là. C'est même plus rendu, je sais même pas d'où est-ce que ça vient, ces sons-là, hein, franchement. C'est quoi quand t'échappes un slinky, quand tu frappes une grand-mère? C'est quoi ces bruits-là? On sait pas. Waouh, hein? On est assez fous, je pense. Hey, 89 FM, c'est pas... maintenant, on y va avec les tartines de Justine, je pense. Est-ce que t'es prête? Mets-toi sur ton instrument préféré, Justine, Justin. Une clarinette. Une clarinette et une petite guitare, je pense? Non, clarinette. Okay. Clarinette. Vas-y. Elle est bonne. Elle manque d'air. Déjà. Les doigts sont... Moi, je fais le snare en arrière. Ah, oh, cool. Il n'y avait pas de clarinette là-dedans, c'est quoi cette affaire-là? Je laisse construire, elle est bonne. Ah oui, non, mais attends, mais c'est que plus tard, elle devient vraiment hot. Tu veux qu'on la laisse aller pour vrai? Okay. Non, mais. On peut parler. Attends le refrain. Okay. Check, là. Ok, baisse ça. C'était bon, hein? Ouais, pis c'est ça la musique que j'écoutais quand j'étais petite. Moi, je dis rien. Je ne. Tu connaissais pas ça, toi, No Doubt. Ouais. Moi, c'était moi la première à rencontrer et à découvrir No Doubt. J'étais à Vallée du Parc. Ouais. Je faisais du ski, je m'étais assise sur un banc, pis Gwen Stefani, elle a chanté derrière mon oreille Don't Speak. Aïe. Oh là là. Depuis ce temps, j'ai été traumatisée. J'étais en deuxième année. Ok. J'ai tellement aimé ça. Mais savez-vous quoi, aujourd'hui, c'est pas à tout de ça que je parle. Pas tant, non. Comme je vous l'ai promis avant la pause, et puisque je tiens mes promesses, je ne suis pas un mauvais épisode de où tu t'en vas de ça, gossip, je sais pas. Moi, Gossip Girl? Gossip Girl, oui, il y a okay. De gossip. Moi, j'étais partie dans la musique pour de vrai. Là. Je sais pas, ils doivent pas tenir leurs promesses là-dedans. J'écoute pas ça à la télé. Ben, c'est le fun que tu fasses des références de télé si tu l'écoutes pas, d'abord. Pardon! On parle de R&B, Rhythm and Blues? Oui, R&B, non, pas Rhythm and Blues. Non, c'est pas ça? Oui, mais je préfère le mot R&B parce que Rhythm and Blues, après ça, t'es comme fourré, là. OK. Parce que c'est pas vraiment ça. R&B, c'est plus de la musique pour fourrer, ça? Oui, okay. Ouais, ça particulièrement. J'ai hâte, là, soudainement. CCDA, tu te demandes c'est quoi? CCDA? Tu veux savoir c'est quoi ça? Oui, s'il te plaît. C'est quoi ça dont je parle? Est-ce qu'on va en parler un jour ou on va juste tourner autour du pot, là? Ah oui, c'est The Weeknd, OK? Ah, OK. C'est un merveilleux R&B-ist. C'est comme ça qu'on les appelle? Un artiste du R&B. C'est un Arden-Bob. Arden-Bob, hein? The Weeknd, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je sais que ça commence de plus en plus à être populaire. Et la raison pour laquelle vous en entendez de plus en plus parler, c'est parce que ce jeune homme du nom de Abel Tesfaye est en fait un Canadien. Oui, oui, c'est un comme petit, Justin Bieber. Un tout petit talent qui commence à se faire de plus en plus connaître par, mettons, les hipsters R&B-ist. On pourrait les appeler les bibsters, les ribsters. ont découvert Abel Tesfaye, qui est effectivement plus connu sous le nom de The Weeknd, qui est un artiste et producteur R&B torontois, né le 16 février 1990. Il est plus jeune que moi! Arrête donc! Et c'est n'importe quoi. Petit fait intéressant, il est de descendance éthiopienne. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est quoi son nom déjà? Petite fille, ça? Abel Tesfaye. Tesfaye. Abel Tesfaye. Ça va pas être son vrai long nom, ça? Non, il y avait un nom entre les deux, mais j'ai refusé de le prononcer parce que c'est trop compliqué. Hein? Trop de consonnes là-dedans, je pense. Ce jeune homme, son talent, dans le fond, il a été découvert très, très récemment. Or, à la fin 2010, Tesfaye a uploadé plusieurs chansons sur YouTube, comme c'est maintenant la mode. Les gens, ils mettent des affaires sur YouTube, ils se font découvrir. Ben oui. Puis là, Usher cogne à leur porte. Et il a déposé ces chansons-là sous le nom de The Weeknd. Donc, son nom, ça date de longtemps. Il n'y a pas de E après le K, là. C'est W-E-K-N-D. Exactement, c'est W-E-E-K-N-D. Donc, on enlève le E en le K et le N. Merci pour cette précision grammaticale. C'est plus facile à trouver sur Internet quand oui, tu t'as comme faux. Effectivement. Et donc, c'est là que sa carrière a connu son essor sur YouTube. Donc, en mars 2011, il sort son premier album qui s'intitule House of Balloons, qui a reçu d'excellentes critiques. Deux autres albums au titre de Thursday et Echoes of Silence ont suivi ce premier album pour former au final ce qu'il appelle une trilogie. Donc, d'ailleurs, cette trilogie va avoir vraithapporté là, des critiques dithyrambiques là, partout, partout, partout. On parle de Rolling Stone, MTV, tous les grands de la musique adorent The Weeknd. D'ailleurs, House of Balloons, le premier album de la trilogie, a été nominé pour le prix Polaris en 2011. Et son dernier album, Echoes of Silence, lui, a été nominé pour le même prix en 2012. Donc, ça fait vraiment l'unanimité. Au Canada, on l'aime, The Weeknd. Mais sa musique, en gros, à part d'être du R&B ou... de la musique pour les fans, les ripsters, fans de c'est vraiment là, de la musique très smooth, très, très planant et ambiant. Mais c'est extrêmement étrange comme sentiment parce que The Weeknd nous amène dans une atmosphère où ce qu'on est en plein milieu d'un party. Et il y a de l'adultère, il y a énormément de drogue, il y a du sexe, il y a des orgies, c'est n'importe quoi. Mais au travers de tout ça, tu te sens tellement sale. Moi, après mon premier écoute de sa trilogie, je me suis sentie littéralement salie. J'en revenais pas à quel point il pouvait écrire des choses aussi dirty. Là, dirty, là, je suis rendue en anglais. Dirty, je suis pas capable. Tu serais bonne pour chanter. Tu serais bonne, merci. Tu me fais penser à Céline Dion. De danse. Oui, ouais. on a tous compris. Oui. Mais tu sais, The Weeknd, c'est pas Céline Dion. Hein. Lui, il fait pas dans la dentelle. Mais pourtant, sa musique vient tellement nous envoyer dans un monde envoûtant. Sérieusement, là, j'ai pas de mots pour dire ça. Là. C'est juste très, très, très bizarre, très planant. Et sur ça, je vais d'ailleurs vous faire entendre une de mes chansons préférées de sa trilogie. C'est la chanson The Zone de son album Thursday. Alors, le petit album du milieu. Alors, je vous souhaite très bonne écoute. Faites juste prêter attention aux paroles et vous allez voir ce que je veux dire. Donc, délectez-vous dedans. Ce son très ambiant et sa voix là, magnifique. Vous êtes assez fou dans mes tartines. Les pieds des tartines, toi. Exactement. Oh, all these broken hearts on that pole. Man, if pole dancers are art, you know I mean? Fucking artists I know. Got some new bills in the mail, got some big favors I owe. Got some good things ahead of me when these bad bitches let go. Well, girl, let's go. Walk your broken heart through that door. Set your sexy ass on that couch. Wipe that lipstick off of your mouth. I'll take it slow. She in love with my crew. She said make enough so I could try some. I thought taking drugs just ain't you. Be you, be you, be you. Yeah, girl, just be you. And I do the shit for my hometown. It been going down, it ain't new. That's that North North, that up top, that OVO and that XO. Your girlfriend at our next show. But it's all good, don't stress though. First night fuck, never really plan it. Take a deep breath, no one need to panic. Lips so French, ass so Spanish. She don't really like attention, I don't know if she gon' manage out here. But she got me all up in my zone. Said she liked the view I got in this place. Shit, I did all of that on my own. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh C'était The Zone de The Weeknd, une fabuleuse chanson extrêmement... Je l'ai-tu dit que c'est vraiment très, très dirty? C'est dirty. Genre de danse dans ma tête, avec plein d'images assez souillées, pour ne pas dire complètement dévergondées. Là, vraiment, là, quand tu racontes l'histoire de toi qui est gelée comme une balle dans un party où que tu connais personne, puis tu couches avec une fille que tu connais pas, puis que la fille est aussi gelée que toi, sinon plus... Pis que t'es déprimé à cause de ça, c'est à cause de quelque part, il y a quelque chose qui marche pas, là. Moi, je pense que ce gars-là, il est pas clean. Je sais pas, tu sais. Il est pas clean. Avez-vous reconnu le rappeur qui chante à la fin? Moi, je l'ai reconnu. Non, elle le connaissait avant tout le monde parce que c'est une hipster du pop. C'est une popster. Moi, je le connaissais quand il rappait dans Degrassi, là. Ben oui, c'est sûr. Degrassi, ben oui, c'est une émission underground pas connue, là, hein? C'est ça? Hein? Personne connaît ça, Degrassi, là. Donc, le rappeur est TikTok, TikTok, TikTok. Drake, un autre bon rappeur canadien qui a d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup promu. Promu? Oui, il a promu. Il a fait la promotion. Hey, mais il a promu. Oui, ça marche. Ben, parce que il a fait la promotion beaucoup de The Weeknd. Cet artiste R&B que les ribsters connaissent, c'est un hipster du R&B. OK, OK, c'est ça. Une fois expliqué, ça a du sens, hein, mais un oui, ribster. Ça a ribster. Rib for pleasure. C'est pas quelqu'un pleasure. Qui aime les ribs. Non. Quoi que, non. Ça peut décrire les deux. Mais si t'aimes le R&B et si t'aimes les ribs, t'es vraiment un ribster. Tu peux pas être plus ribster que ça. Alors, pour ceux qui ont aimé et qui voudraient une autre expérience de la sorte, ce jeune homme de... Si moi, j'ai 23 ans, lui, il a 22. C'est ce jeune homme de 22 ans sera au Metropolis à l'Halloween. Oui, oui, la semaine prochaine. Donc, le mercredi, le 31 octobre, Halloween, les portes ouvrent à 18h30 puis le spectacle commence à 20h. Non, le spectacle commence probablement à 21h parce qu'ils sont tous en retard. Arrivez à l'avance pour être sûr de boire de l'alcool. Arrivez à l'avance. Buvez beaucoup d'alcool parce que, ben, gelez-vous. Faites quelque chose sérieusement. Je veux pas vous inciter à faire des affaires illégales. Non, restez à l'école. Dites non aux drogues, les enfants. Dites non aux drogues. Sauf ce soir-là. Sérieusement. Écoutez Occupation Double à la place. Oui, Occupation. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, allez-y pour les drogues à la place d'Occupation Double. Ouais, ça va faire une meilleure personne, je pense. Mais de toute manière, un des deux, ça crée un dommage au cerveau, de toute manière. De toute façon, écoutez-nous pas. Écoutez-nous pas. Faites-nous ce que vous voulez, Colin. Occupy Wall Street. Non. Bon non. Commentaire éditorial politique, là, ça va faire. Tout à l'heure, j'ai croisé Simon Fidibé, chroniqueur ici, dans la cafétéria. Et il est en train de débattre politiquement avec le monsieur de la cafétéria. Ouais. Avec les chefs de la cuisine. Ouais, avec les chefs de la cuisine. Il est rentré en arrière, je te jure, comme une vraie tornade électorale. Là. C'était n'importe quoi. C'était une vraie Céline Galipeau. Il faisait la galipette avec ses propos. Non, c'est même pas vrai, en fait. Mais je l'ai vu à la cafétéria. Il a pris de la soupe. Oh! En tout cas, moi, il remet sur le nez. Tout est faux sauf la soupe, c'est ça? Ben, je pense qu'il a pris de la soupe. Là. Il était à côté. Hey, c'est peut-être même pas vrai, selon lui. C'est ça! Je suis une grosse menteuse. Wow! Ben, va-t'en! Je suis pire que Jean Charest. Bon, hein? Merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. C'était rempli de pertinence. Oui, mais je vous promets là, que la prochaine fois que je fais une chronique, là, je vous jure, là, ça sera plus du R&B puis du hip-hop. Là. Ça fait deux fois que je vous fais le coup. Là. Je suis vraiment pas, vraiment, vraiment pas hip-hop. Mais Essaye pas. On a déjà un jugement, en tout cas. T'es bien jugemental. Je sais. T'es bien mental. Je suis bien mental. Bon, mais moi, ça ne me dérange pas, mais c'est pour vous, vous pouvez continuer votre essor du palmarès. Merci. On se retrouve le 8 novembre. Absolument. Voilà, 8 novembre. Ça, c'est le 8 du 11-12. 8-11-12. 8-11-12. Il n'y a rien de beau là-dedans. Il y a l'artienne, ça. 8 novembre. merci. Donc, on se retrouve dans deux semaines. Et puis, nous, on continue avec les positions numéro 4. Du côté anglo, ce sera The Neighborhood et Female Robbery. Mais du francophone, ce sera Chinatown avec Vive les pieds nus. Tout de suite. 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. A felon, and don't let the police know anything. think I can tell. I think I can tell them. Tell them they were made for me. I'm thinking they'll know. Know it already. I'm thinking they'll know just about everything. Line right beside me and followed me to my home. I'm sure they figured it out early on that I would never run, that they could shoot, but that's no fun, 'cause then they're killing the stolen son. Oh, anything, anything, don't tell them anything, anything, please. The Neighborhood et Female Robbery qui montent de deux places en quatrième en gros. Et juste avant, on a entendu Vive les pieds nus de Chinatown au numéro 4. On sort par-dessus les troisième places, Band of Scars avec You're Not Pretty But You Got It Going On, stable en troisième. Et du côté francophone, on va passer par-dessus Bio Bazaar avec Skyfish Radio Edit qui était au numéro 3. Je m'excuse, Danny, c'est local, c'est super bon, mais on le joue beaucoup, assez fou, donc on essaie de. Et puis elle est longue la tune, c'est plus parce qu'elle est longue. Mais c'est seulement, on t'aime pareil. On t'adore en fait, mais on te saute par-dessus. Ouais. On va aller au deuxième place, Grizzly Bear en anglo, mais tout de suite. Tout de suite, Damien Robitaille avec Omniprésent numéro 2. Bon, là, c'est fou. 85 FM. On va apprécier, je pense. Trois-Rivières. Trois-Rivières, si on dit vite, c'est Trois-Rivières. Et... Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. La, la, la. Just Entendre les positions numéro 2, ça c'est Grizzly Bear avec Sleeping Youth Stable. Et juste avant, c'était Damien Robitaille avec Omniprésent qui a fait une belle hausse puisqu'il était au numéro 18 la semaine dernière. Mm-hmm. On va se quitter avec les numéros 1, c'est rare qu'on fait ça, mais on se quitte là-dessus. Pas de jeu de mots, rien. Du côté anglophone, ce sera Stars avec The Theory of Relativity qui monte de 4 places. Et du côté francophone, ce sera Tremblay avec Marie Plastique. Le temps de vous dire qu'on se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h. On repasse les vendredis soirs entre 17h et 20h. C'est là pour Skypunka. Et finalement, les lundis entre 14h et 17h. À partir de 18h, ce sera le boudoir. Oui, le boudoir à 18h. Ça sera bon, je vous le jure. Bon, bon et pas cher. Et pas cher parce que c'est gratuit. C'est ça. Merci, Justine Renaud. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Alexandra Carignan. Ben, merci à toi, Mathieu Plante. Merci à vous, les palmiers.